et je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverais pas, il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Sans dot. Oh! Je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante. Il se faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on peut croire, et qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie, et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Sans tâte. Vous avez raison. Voilà qui décide tout, cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard, et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents fâcheux. Sans doute. Oh, il n'y a pas de réplique à cela. On le sait bien, qui diantre peut aller la contre? Ce n'est pas qu'il n'y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne les voudraient point sacrifier à l'intérêt et chercherait avant toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité, la joie, et que... Sans dot, il est vrai! Cela ferme la bouche à tout! Sans dot! Le moyen de résister à une raison comme celle-là. Ouais, il me semble que j'entends un chien qui aboie. Ne serait-ce point qu'on en veut à mon argent? Non, non, ne bougez! Je reviens tout à l'heure! C'est pour ne point l'aigrir et pour en venir mieux à bout. Heurter de front ses sentiments est le moyen de tout gâter. Et il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant. Des tempéraments ennemis de toute résistance, des naturels rétifs que la vérité fait cabrer, qui toujours se raidissent contre le droit chemin de la raison et qu'on ne mène qu'en tournant où l'on veut les conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut. Vous en viendrez mieux à vos fins et... Mais ces mariages, Valère... On cherchera des biais pour le rompre. Mais quelle aventure trouver s'il se doit conclure ce soir? Il faut demander un délai et feindre quelques maladies. Mais on découvrira la feinte si on appelle des médecins. Vous moquez-vous? Ils connaissent-ils quelque chose? Allez, allez, vous pourrez avec eux avoir quel mal il vous plaira. Ils vous trouveront des raisons pour vous dire d'où cela vient. Enfin, notre dernier recours, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour, belle Élise, est capable d'une fermeté... Chut. Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut point qu'elle regarde comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison de sang dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, voilà bien parlé, cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme comment je j'en suis ravi, et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, tu as beau fuir, je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résister à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais. Tu m'obligeras, certes. Il est bon de lui tenir un peu l'abri de haut. Il faut... Ne vous mettez pas en peine, je crois que j'en viendrai. Parfait, je m'en vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qu'il vous a donné. C'est ce que c'est que de vivre. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans. Et sans dot tient lieu de beauté... de jeunesse, de naissance, d'honneur, de sagesse et de probité. Le brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Oui, monsieur. Je m'étais rendu ici pour vous attendre de pied ferme. Mais monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors malgré moi.

quel ragoût il y a, hein? Pour moi, je n'y en comprends point, et je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle, qui est fait. Trouver la jeunesse aimable. Et ça par le sens commun. Sans ces hommes que de jeunes blondins. Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours. Avec leur ton de poule laitée, leurs trois petits brins de barbe relevés en barbe de chat, leur perruque d'étoupe, leur autre chose tout tombant et leur estomac débraillé. Et cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Oh. Voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment? Vous êtes à ravir et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai point de grande, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Vous n'avez rien, votre fluxion ne vous sied point mal, et vous avez grâce à tous ces. Dis-moi, Marianne ne m'a-t-elle point encore vue? N'est-elle point pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne. Non, je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait, voisine, et je t'en remercie. J'aurai, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir en, que vous lui plairez. Et que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre haut de chausses, attachée au pourpoint avec des aiguillettes. Oh, c'est pour la rendre folle de vous. Et un amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux. Certes, tu me ravis de me dire cela. Oh, en vérité, monsieur, ce procès m'est une conséquence tout à fait grande. Je suis ruiné si je le perds. Et quelques petites assistances m'en rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, voisine, et je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Adieu, je vais. Cela me remettra sur pied et je vous en serai éternellement. Je vais achever mes dépêches. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite, monsieur. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous. Je mettrai en compte mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire. Non, ne me refusez pas, monsieur. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonheur afin de ne vous point faire malade. Vous ne sauriez jamais me soulager dans votre grand. Adieu, j'entends qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Oh. Oh. A été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pas pourtant quitter la négociation. Et j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assurée de tirer bonne récompense. Mes ordres pour tantôt et règle à chacun son emploi. Dame Claude, approchez. Commençons par vous. Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Mais

vous dire la vérité. Apprenez à parler. À ce que je puis voir, maître Jacques, on paye mal votre franchise. Morbleu, monsieur le nouveau venu qui fait homme d'importance, ce n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera. Et ne venez point rire des miens. Oh, monsieur maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Il file doux. Je veux faire le brave, et s'il est assez sot pour me craindre, le frotter quelque peu. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi, et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Et doucement. Comment doucement? Il ne me plaît pas, moi. De grâce. Je suis un impertinent. Monsieur maître Jacques. Il n'y a pas de monsieur maître Jacques pour un double. Et si je prends un bâton, je vous rocherai d'importance. Comment, un bâton? Je ne parle pas de ça. Savez-vous bien, monsieur le fat, que je suis homme à vous rosser vous-même? Mais je n'en doute pas. Que vous n'êtes pour tout potage qu'un faquin de cuisinier. Je le sais bien. Et que vous ne me connaissez pas encore. Pardonnez-moi. Vous me rosserez, dites-vous. Non, je le disais en raillant. Et moi, je ne prends point de goût à votre raillerie. Apprenez que vous êtes un railleur. Peste soit la sincérité, c'est un mauvais métier. Désormais, j'ai renoncé, je ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon maître, il a quelque droit de me battre. Mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai si je puis. Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est au logis? Ah oui, vraiment, il y est. Je le sais trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. C'est pour dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi? Et quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous, et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher? Je vois que, pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose, Rosine, dont je ne veux pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non, je ne sais point quel il est, mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Mais qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans les peaux qu'on veut me donner. Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leur fait. Mais la plupart sont gueux, comme des rats. Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable qui réparera toutes choses. Mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Vous moquez-vous? Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Et ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Mais le voici en propre personne. Ah, Rosine, quelle figure! Ne vous offensez point, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux, qu'ils sont assez visibles d'eux-mêmes, et qu'il n'est point besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes que l'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre. Mais un astre, le plus bel astre qui soit, dans le pays des astres. Voisine, elle ne répond au mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis, les filles ont toujours honte à témoigner d'abord de ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Ah, voilà, belle mignonne, ma fille qui vient vous saluer. Je m'inquiète bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire et c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez qu'elle est grande, mais mauvaise herbe croit toujours. Oh, l'homme déplaisant! Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. Ah, c'est très d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Quel animal! Je suis trop obligé de ses sentiments. Ah! Oh, je n'ai plus de lire. Ah!